LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Cette photo a été prise dans le désert à côté de Marrakech. Et donc c'est devant une Honda, voiture typique à l'ancienne dans les années 80 des stars au Maroc, qui a été repeinte en rouge. Et donc j'ai une tenue composée de foulard vert, un éventail en plumes, des cuissardes militaires lacées, un manteau en fourrure, des lunettes et une mini kalachicha. Une kalachicha, c'est une chicha en forme de kalach. Et pour comprendre pourquoi j'appelle ça une kalachicha, il faut remonter à cette photo, qui est une photo de moi dans la neige, en bas d'une montagne des Vosges, avec des cuissardes argentées, un manteau en fourrure bleue, et ma chicha plantée dans la neige, et j'ai écrit « Première des aides sur la lune ». C'est quoi une des aides ? C'est une Algérienne. Heureuse comme une arabe en France. Un documentaire de Adila. Adila. Belle Jaïdou. Réalisé par Anne Perret, Franquinelli. J'ai arpenté l'histoire des femmes arabes de France pour essayer de détricoter les clichés dans lesquels je suis engluée. Mais je n'avais pas pensé à une chose. Peut-être que la meilleure manière de m'auto-décoloniser, c'est de regarder le présent. Est-ce qu'on peut regarder dans votre Instagram que vous montrez les photos que vous préférez, vous, quoi ? Alors, mes photos préférées... Alors, j'aime bien Heidi la Berbère, j'aime bien cette série de photos. Heidi sonnant l'heure du clip, avec un gun dans la main. C'est Heidi l'Amazone au croisement entre Calamity Jane, Ursula Andress dans James Bond et ta tante Khadija. Bref, c'est une femme avant tout, mi-castratrice, mi-dominatrice, mi-figue, mi-raisin. Et en fait, c'est une femme qui a fait business en lançant sa start-up de Elben Bio Vegan Halal, distribuée dans tous les biocoops de France et en grande Kabylie. Lisa Boutelja est une Instagrammeuse. Ça signifie qu'elle poste, sur le réseau social Instagram, des photos d'elle accompagnées de courtes légendes. Moi, je dirais que Lisa est une auteure de fiction. Donc, je m'appelle Lisa Boutelja, j'ai 23 ans, je suis née un 5 juillet, je suis cancer, ascendant cancer. Et vous dites beurrétocrate ? Disons que le mot beurrétocratie, c'est un mot que j'ai inventé. Donc, c'est les journalistes eux-mêmes qui m'ont taguée de beurrétocrate. Mais en réalité, je suis beaucoup d'autres choses. Je suis moi-même, je suis Lisa Boutelja, j'ai plein de facettes. Donc, je suis née dans l'est de la France, dans une petite ville, dans une vallée, avec pour rêve de travailler dans la mode. Donc, je suis allée étudier dans une grande école de mode qui s'appelle la Sainte Martine's à Londres. Et donc, quand j'ai commencé à travailler dans la mode à Paris, j'ai vite compris que je n'étais pas la parisienne bourgeoise, fine, sans maquillage, coiffée, décoiffée. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé vraiment à poster mes looks, quoi. Mmh. C'était en réaction au fait que je ne correspondais pas, en fait, au code du chic à la française. Et donc, c'est sur Instagram, en fait, la première fois qu'on m'a traité de beurrette, je l'ai prise à mon avantage parce qu'en fait, moi, je laisse personne me mettre dans une catégorie. Comment vous avez compris que vous ne correspondiez pas au chic à la française ? Bah, disons que c'est de plus dans le regard des autres. Quand moi, par exemple, je mets des cuissardes, on va me dire que je suis vulgaire, alors que si Charlotte Gainsbourg met des cuissardes, elle est chic. Parce que moi, je correspond plus à un standard de beauté type Kim Kardashian. Je correspond pas à Lou Doyon ou à Jeanne Damas, quoi. C'est-à-dire que en ayant une mère française et un père algérien, déjà, c'est un mélange schizophrénique, quoi. C'était deux anciens ennemis qui cohabitent dans le sang. Comme beaucoup de gens qui sont binationaux comme ça, c'est on ne se sent jamais, en fait, à sa place dans un camp ou dans l'autre. Quand j'avais deux ans et demi, je disais déjà « Maman, c'est la France et papa, c'est l'Algérie ». Donc je me suis toujours sentie française et algérienne, j'ai tout de suite compris que je l'étais. Mais je trouvais que c'était stylé d'être arabe. Et même, je le voyais un peu dans le regard de mes copines qui n'avaient pas d'origine. Donc disons qu'enfant, je me sentais toujours les deux, sans distinction. Quand je suis devenue adolescente, c'était soit l'un, soit... Enfin, c'était pas soit l'un, soit l'autre, mais souvent je me sentais plus arabe, souvent je me sentais plus française. Mais là, en fait, j'ai fait la paix entre mes deux identités quand j'ai compris qu'on ne pouvait pas être 50% française, 50% algérienne, mais 100% française et 100% algérienne. C'est comme ça, en fait, que je me définis. En fait, je trouve que c'est vraiment une obsession française de vouloir toujours mettre les gens dans des catégories et de nommer les choses. Si on n'arrive pas à nommer quelque chose, on panique. Et on n'arrive pas à concevoir que quelque chose puisse avoir plusieurs noms ou puisse rentrer dans plusieurs catégories. Je trouve que c'est très français. Et c'est ça aussi, je pense, qui déstabilise les gens qui ne comprennent pas ce que je fais. Parce que je suis pas vraiment une beurette, parce que je suis une meuf de la mode, alors parce que je suis une fille qui a un délire un peu artistique, mais je suis pas non plus une artiste, parce que je suis une arabe qui utilise les codes aussi de la vulgarité, mais je suis pas non plus ceci, je suis pas non plus cela, enfin... Oui, bah oui, c'est ça, c'est que j'ai toujours refusé qu'on me mette dans une catégorie, puisque on m'a jamais... Enfin, j'ai aussi ce truc où, vu que j'étais métisse, et vu que j'ai grandi en province, dans une classe populaire et tout, enfin... J'ai ce truc où je rentrais pas dans une case, je rentrais dans plusieurs cases, en même temps dans aucune des cases. Vous voulez qu'on continue ? Bah, je veux bien, si vous voulez m'en montrer d'autres. Allez, dis la Mazir. Dolores, coach fitness. Voilà, je fais souvent des histoires comme ça autour de personnages que j'invente. Il y a aussi Bouchra la Bouchère, par exemple. Il y a aussi Scheherazade et les mille et une falches. Vous, ça vous sert à quoi de faire de créer ces personnages d'abord ? Déjà, tout simplement, ça m'amuse. Et encore une fois, ma passion, c'est la mode, et ma passion, c'est l'image. Voilà, c'est aussi une ode à la liberté, quoi. Enfin, j'espère en tout cas incarner aussi quelque chose qui relève de la liberté d'exister, d'être qui on veut être, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se fait-il que liberté ne rime plus avec émancipation à la française ? Le féminisme décolonial, ou féminisme intersectionnel, est passé par là. Aujourd'hui, un certain nombre de femmes arabes ont compris qu'elles étaient à l'intersection de plusieurs systèmes de domination. Vous vous souvenez des patates ? C'est comme ça qu'on apprenait les ensembles à l'école. Eh bien, si on dessine la patate des personnes victimes de racisme, la patate des femmes et la patate des pauvres, eh bien, il y a beaucoup de femmes arabes qui se trouvent à l'intersection de ces trois patates. C'est un tout petit sous-ensemble par rapport au contenu de chacune des patates, mais en ce moment, il contient plein d'inventeuses et d'inventions. Pour paraphraser le titre d'un célèbre manifeste afroféministe, « Tous les Arabes sont des hommes, toutes les femmes sont blanches, mais nous sommes quelques-unes à être courageuses ». C'est le cas d'ailleurs de Fatima Khemilat, chercheuse en sciences politiques. Quand vous vous présentez, vous vous dites quoi de vous ? J'ai même pas tellement besoin de dire des choses de moi. Ce que je suis est complètement conditionné par ma carte d'identité biologique. C'est-à-dire que quand on me voit, on va mettre des étiquettes. Ben, femme, la première étiquette, qui est même pas la plupart du temps conscientisée. Arabe, que je sois berbère ou pas, tout le monde s'en fiche, c'est l'étiquette qu'on va mettre dessus. Musulmane, puisque du fait d'être arabe, on suppose ma religiosité. Et puis, on va supposer aussi mon hétérosexualité, et puis on va supposer ma classe sociale. Et donc, très souvent, si je dois me définir, je me définis en général comme ce que je fais, c'est-à-dire une chercheuse, mais aussi une activiste pour une société plus inclusive. Souvent, je vais pas dire que je suis... Non, je vais dire que je suis féministe, ça je l'assume complètement, c'est une catégorie politique, mais j'ai tendance à pas dire antiraciste ou antisexiste, parce que je considère qu'être anti, c'est pas être pro, en fait. C'est-à-dire, je dis ce contre quoi je suis, mais je ne dis pas ce pourquoi je suis fondamentalement. Et quand je dis société plus inclusive, et que j'ai envie d'être active, voilà, dans cette société plus inclusive, j'ai juste envie qu'on puisse, indépendamment de cette carte d'identité biologique, choisir ce que l'on est, en fait, et choisir les modalités de sa propre identification et de son propre bonheur. Quelle question spécifique y pose ce féminisme intersectionnel français ? On ne se retrouve pas dans le féminisme tel qu'il existe. On ne se retrouve pas dans le féminisme blanc, on ne se retrouve pas dans le féminisme bourgeois, on ne se retrouve pas dans le féminisme parisienne-centré, parce que ça dépolitise, en fait. Ça dépolitise des questions qui sont éminemment politiques. Du type, quand on parle du droit des femmes dans les quartiers populaires, quand on parle du droit des femmes des minorités, quand on parle des droits des femmes des classes les plus précaires, c'est du politique. C'est des discriminations structurelles qui impliquent, en fait, les situations dans lesquelles elles sont. Il ne s'agit pas simplement d'égalité homme-femme, ça va bien au-delà de ça. On parle de lutte des classes, on parle aussi de discrimination par le haut, d'un racisme structurel, d'un racisme étatique. Et le féminisme progressivement dominant qui s'est inscrit dans l'État, le féminisme d'État, il s'est complètement adapté en fait à la commande étatique qui était « produisez-moi du féminisme pour asseoir ma domination sur des populations déjà précarisées ». Et c'est comme ça que le féminisme est devenu une arme de discrimination des personnes racisées, en disant bah, « finalement, le sexisme est made in Maghreb et le sexisme est made in banlieue, et on a de la chance, on s'en est débarrassé, et estimez-vous heureuse, vous, femme blanche, de pas être dans la même situation que ces femmes racisées ». Et de la même manière où on a dit « estimez-vous heureuse, vous, femme racisée de France, de ne pas être dans la même situation que celle dans laquelle vous seriez si vous étiez restée dans les pays d'origine. Donc cette manière de faire, elle a particulièrement divisé. Elle a divisé les féministes, elle a divisé la cause antiraciste et on en subit encore les relents et les blessures. C'est-à-dire ? Et il y a un certain nombre de militantes antiracistes qui le disent. Le racisme, l'antiracisme passe avant la cause féministe. Et ce passe avant, en tant que féministe, on l'a entendu un certain nombre de fois. Hein, à l'époque du communisme, on disait ben, les femmes et la cause des femmes, elle passera après la révolution et la libération du prolétariat. Et ce après, c'est toujours une manière de disqualifier, de retarder en fait une échéance, de retarder la légitimité de désamorcer cette espèce de bombe de recherche de justice des femmes racisées. Et ça, comme je vous le disais, c'est encore très très prenant à l'heure actuelle, puisque féministe antiraciste, pour beaucoup, il y a l'idée de eh ben, il faut choisir entre les deux. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'idée de dire ma libération passerait après celle de mon frère. Elle passe pas après celle de mon frère. Elle est en même temps que celle de mon frère, ou elle n'est pas, en fait. Quand j'ai contacté les Ntarajel, c'était pour assister à leur événement « Les Invaincus de l'Afrique du Nord ». Et je m'attendais à tomber sur une association créée de longue date. C'est Lisa qui m'a répondu. Le collectif n'existait que depuis 2 mois. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom et votre âge ? Lisa, j'ai 21 ans. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis étudiante en master en littérature. Et vous ? Je m'appelle Leïla, j'ai 23 ans et je suis étudiante en ingénierie plus portée vers l'électronique et l'informatique. C'est né comment l'idée de Ntarajel ? Alors à la base, on avait un groupe de discussion entre femmes nord-africaines et c'était plus un groupe pour se retrouver un peu pour rire des mêmes sujets, faire des petites blagues, etc., nos pays d'origine. Et plus on parlait, plus on se rendait compte qu'on était quand même toutes féministes. Et donc à un moment donné, c'est un peu sorti comme une blague, ce Ntarajel, parce que c'est une phrase qui veut dire « t'es un homme, toi ». C'est une phrase qui, à la base, est assez viriliste, dans le sens où c'est pour dire « non mais toi, t'es pas un homme parce que t'es pas assez dur, parce que t'es pas assez fort, etc. » Et nous, on a un peu détourné le truc en mode « ouais, mais toi, tu bats ta femme, t'es un harceleur, t'es un agresseur, t'es un homme ». En tout cas, dans nos milieux, on sait bien que... Voilà, dans la culture nord-africaine, dirait un homme, Ntarajel, c'est la phrase de trop, c'est la phrase choquante. Donc c'est sorti vraiment parce que cette phrase, justement, elle a un sens à la base qui est très insolent. Donc une femme qui ose dire ça à un homme, même si c'est pour le questionner au final sur sa virilité, c'est quand même une femme vachement insolente et vachement audacieuse. Du coup, on a eu l'idée à un moment donné, je crois, de toutes s'appeler comme ça sur Twitter, on peut toutes changer de nom. Et du jour au lendemain, voilà, il y avait 5-10 jeunes filles qui avaient voilà, ce nom sur Twitter. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait des filles qu'on ne connaissait pas, nord-africaines, qui ont commencé à mettre leur nom aussi. Et après, de nom, c'est parti en hashtag. En 2 jours, il y avait des centaines de personnes qui en parlaient. Je pense qu'en 3 jours, le collectif a été créé. Puis après, on a vu que, en fait, de par les réponses qu'on recevait, on s'est dit qu'il fallait avoir une réponse féministe nord-africaine. Que ça manquait et qu'il fallait apporter ça en fait. Surtout qu'on a vu que ça commençait à être repris par des personnes qui pensaient que du coup le Ntarajel s'était dirigé seulement envers les hommes nord-africains, alors que nous, bah, on est féministes et c'était dirigé envers tous les hommes. Et du coup, qui ont commencé à nous donner un espèce de rôle de femmes qui veulent sortir de leur famille, qui veulent se libérer de leurs frères, de leurs pères, etc. Et nous, c'était pas ça du tout, parce qu'on est décolonial, on est antiraciste, et pour nous, c'était juste pas possible. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a formé ce collectif, pour pouvoir dire non, nous, on garde notre voix, on laisse personne parler à notre place. C'est quoi un féminisme nord-africain ? Je crois que l'une des premières affirmations d'un féminisme qui serait nord-africain, c'est la diversité des femmes nord-africaines. Donc là, par exemple, on opposait ça à l'afroféminisme. Mais l'une de nos membres était afroféministe parce que c'était une femme nord-africaine noire. Donc elle était et afroféministe et féministe nord-africaine. Donc déjà, premièrement, il y a des femmes nord-africaines qui sont noires. Il y a des femmes nord-africaines qui sont plutôt blanches de peau. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il y en a qui sont musulmanes, il y en a qui sont juives. Il y en a qui sont chrétiennes, il y en a qui sont athées. Donc c'est sortir de cette idée-là. C'est aussi sortir de l'idée sur laquelle on aurait besoin qu'on nous libère. Nous libérer de quoi et de qui. Ça, je pense que c'est une des problématiques principales aussi. On n'a besoin ni de l'État, ni du féminisme blanc pour nous libérer. C'est important aussi pour nous de faire le lien avec ces luttes passées, avec nos mères, nos grands-mères qui ont aussi lutté, de ne pas dire qu'avant nous, il n'y a pas eu de féminisme nord-africain, c'est faux. Mais vraiment de renouer avec ça, parce que pendant plusieurs années, même des décennies, on a été vraiment instrumentalisés. Je suis épatée, hein, parce que je pense qu'à votre âge, je n'avais pas la puissance d'analyse que vous avez. C'est venu comment, vous, Leïla ? Alors, mon cheminement politique, je dirais, bah, c'est vrai que ça est arrivé très tôt parce que, en fait, c'était vers 2004-2005. Alors, j'avais 10 ans, 9-10 ans. Et à l'époque, il y a eu du coup la loi sur le foulard à l'école. Et l'année d'après, il y a eu les meurtres de Ziad et Bouna et les révoltes dans les banlieues. Et du coup, moi, j'ai vécu ça de manière assez violente, dans le sens où j'avais l'impression d'être autre. Enfin, d'être en dehors un peu de la société française où tout le monde était un peu d'accord pour dire que ouais, bon, personne ne devrait porter le voile à l'école. Tout le monde était d'accord pour dire que bon, c'était quand même des voyous qui brûlaient des voitures et sans voir vraiment le côté social derrière. Et du coup, bah, j'avais l'impression de ne pas être d'accord avec tout le reste et d'être vraiment un peu écartée. Du coup, je me suis mise vraiment à plus m'intéresser à la politique, etc. Parce que j'ai d'abord commencé plus par l'antiracisme avant de m'intéresser au féminisme et donc surtout l'islamophobie. Et le truc, c'est que quand on parle d'islamophobie, quand on parle de voile, etc., on finit forcément par parler de féminisme. Donc c'est comme ça que j'en suis venue là et que en lisant, je pense que lire des personnes même afro-américaines ou... sur les réseaux sociaux, on a vraiment accès, à partir du moment où on sait parler anglais, on a accès à toute une littérature, des blogs, etc. Et on peut plus s'intéresser du coup au féminisme qui concerne des femmes des Suds et des femmes même dans les diasporas, dans des sociétés occidentales. Et vous faisiez ça toute seule ? Je dirais que j'étais assez seule là-dedans parce que c'est un peu compliqué de parler d'antiracisme, enfin de manière politisée en fait. Mais du coup, c'est plus, je pense, les réseaux sociaux qui m'ont permis d'accéder à tout ça. Et les réseaux sociaux, c'était quoi ? C'était Facebook ? C'était quoi ? C'était plus Instagram. En fait, Instagram, c'est vu comme vraiment le réseau social, il n'y a que des photos, c'est joli. Du coup, les gens ne se disent pas que c'est si politisé que ça, mais en fait, beaucoup. En fait, il y a beaucoup de féministes qui sont indiennes, des féministes afro-américaines, des féministes africaines de plein de pays différents. Et vraiment, ça permet de voir un peu ce que chacun vit. Et du coup, on peut vraiment partager c'est plus des idées, des concepts, du coup, que vraiment des longs textes. Mais ça permet quand même d'amener des réflexions et du coup, après, d'aller plus loin. En fait, généralement, c'est toujours des noms comme Decolonial Feminist ou Brown Feminist, Black Feminism. C'est soit des afro-féministes, soit des féministes des différents pays du Sud. L'affirmation d'un féminisme musulman, c'est pas le même quand c'est dans des pays à majorité musulmane et quand c'est dans des pays occidentaux. Donc les pays occidentaux, ça va vraiment être le fait de pouvoir faire ce que je veux de mon corps, etc. Alors que dans les pays à majorité musulmane, ça va être aussi être ce que je veux de mon corps, mais du coup, les injonctions ne sont pas les mêmes. Est-ce que, Tarajel, on peut concevoir, par exemple, de défendre le droit d'une femme à porter le voile dans certaines zones et le droit de ne pas le porter dans d'autres zones ? Absolument. Pour moi, c'est une question de base, ça, le fait que chaque femme puisse disposer de son corps comme elle le souhaite. Si dans tel pays, on a envie de forcer les femmes à porter le voile ou à porter... un Bermuda dégueulasse ou porter quoi que ce soit. Mais en fait, c'est fondamental d'aider ces femmes-là à porter ce qu'elles veulent. Et si en France, on interdit à des femmes de porter ce qu'elles veulent, donc que ce soit un voile ou autre chose, encore une fois, bah, c'est fondamental d'aider ces femmes-là à porter ce qu'elles veulent. Donc au final, ce qui est défendu, c'est même pas le droit de porter le voile ou le droit de ne pas le porter. C'est le droit de disposer de son corps, en fait, tout simplement. Et ça, je pense que c'est un droit auquel toutes les femmes du monde doivent pouvoir accéder. Non, je dis ça parce que hyper souvent, les fous de l'anti-voile, ils disent mais vous pouvez pas le porter alors qu'il y a des pays où ils sont obligés de le porter. Oui. Bah dans ce cas-là, on fait pas grand-chose parce que franchement, si on arrête de faire tout ce qui est interdit dans d'autres pays, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas le droit de faire. Ce serait bien dommage du coup. Donc on arrêterait de faire tout ce à quoi des femmes sont parfois forcées. Donc là, je pense au sexe par exemple. Justement, vous parlez d'intersectionnalité. Vous, c'est de quel système de domination vous avez pris conscience en premier ? C'est-à-dire que quand j'étais enfant, donc j'avais peut-être 12 ans comme ça, j'avais déjà conscience du patriarcat, notamment par l'organisation familiale. Donc j'ai des sœurs, j'ai des frères et j'ai vu le patriarcat tout de suite. Donc dans l'organisation familiale, dans l'organisation de la communauté musulmane aussi, puisque finalement c'est dans ces milieux-là que j'étais. Donc j'ai d'abord pris conscience du patriarcat dans ces dimensions-là, avant de faire face au mur blanc et de le constater. Et puis, tout de suite, quand j'ai porté le voile, bah, j'ai subi l'islamophobie. Et donc là, j'ai, entre guillemets, découvert que j'étais racisée. Et la découverte du racisme a été beaucoup plus violente. Et puis, concernant le mépris de classe, j'y ai pas forcément pensé. Mais je crois que ça vient même avant le patriarcat. C'est-à-dire que moi, à 7-8 ans, j'avais conscience que mes parents ne pouvaient pas forcément tout m'offrir et qu'il fallait que je fasse attention à ce genre de choses. Je savais d'où je venais, je savais comment... Enfin, je connaissais les questions de l'argent, la gestion de l'argent, c'est des questions qui me parlaient finalement. Donc je crois que la première violence, au final, c'est la classe, puis le patriarcat. Donc capitalisme, patriarcat et racisme. We're often eager and still are to portray by sex coming to voice as was often superimposed. But we feel that it's so angry. Alors je crois que MeToo a beaucoup aidé les femmes arabes de France à prendre leur distance avec les sirènes de l'émancipation à l'occidental. On a pu constater qu'il n'y avait pas moins de patriarcat et de domination masculine dans les centres-villes bourgeois que dans les quartiers populaires, et ça nous a fait beaucoup de bien. Fatima Khemilat. C'est quoi décoloniser sa sexualité ? Je pars du principe qu'il faut considérer la sexualité, non pas comme une identité figée, et ça c'est le problème quand on a des termes comme homosexuel, bisexuel, hétérosexuel, nymphomane, sadique, maso, polyamoureux, etc., c'est qu'on a tendance à figer sa sexualité et la sexualité des autres dans des catégories, alors même que la sexualité c'est quelque chose de dynamique. Donc je préfère largement en parler, comme d'autres d'ailleurs, comme Sarah Chiche dans son excellent livre sur une histoire érotique de la psychanalyse, où elle reprend un autre auteur, où elle dit finalement la sexualité c'est plus un territoire. Et j'aime beaucoup cette idée de la sexualité comme un territoire parce qu'un territoire, ça se découvre. Un territoire, ça s'arpente, ça s'arbore, ça se cultive. Et puis aussi, un territoire, si la sexualité est un territoire, elle peut aussi s'approprier. Elle peut aussi être colonisée. Elle peut aussi être malmenée. Donc j'ai essayé d'identifier dans mes recherches qui avait colonisé la sexualité des femmes, c'est-à-dire qui avait exproprié les femmes de leur propre corps et de la jouissance qui découle de ce corps, notamment la jouissance sexuelle. Et là, c'est très très frappant de voir que et les psychanalystes, avec Sigmund Freud et puis tous ceux qui vont d'ailleurs le suivre, et aussi le corps médical, ont été les fers de lance, en fait, de la colonisation des femmes. Donc pour moi, la colonisation des femmes, elle se passe par aussi la méconnaissance de leur corps et la disqualification aussi des usages de leur corps. La disqualification du fait de se masturber quand on est une femme, d'ailleurs pendant un rapport sexuel, de pouvoir se toucher ou seul, en fait. Et cette méconnaissance-là fait que forcément, si vous ne savez pas que vous avez, je sais pas moi, 200 000 hectares et que vous pensez que vous avez juste 100 km carrés sur votre territoire, ben c'est là où on se rend compte que la décolonisation, elle est vraiment à faire. Et justement, c'est à ça que ça sert ce que vous faites, c'est-à-dire une éducation sexuelle populaire, pudique et révolutionnaire ? Absolument. Populaire, pudique et révolutionnaire. Les trois termes sont importants parce que souvent, on me demande pourquoi j'ai mis pudique au milieu. Et moi j'insiste sur ce terme pudique parce que j'ai été socialisée dans un milieu croyant et dans un milieu où la pudeur est importante. Et du coup, il existe des vidéos, il y a des tas de féministes et militantes brillantissimes sur internet qui ont fait des vidéos sur la question de la sexualité. Là où par contre j'ai trouvé que la question de aborder la sexualité d'un point de vue intersectionnel manquait, c'est que ces femmes, ce sont des femmes blanches qui pour la plupart sont athées et qui du coup n'ont pas du tout le même rapport à leur corps que les femmes racisées, croyantes ou non. Les critères de beauté sont complètement indexés sur la beauté blanche. Ce qu'on nous présente comme étant la beauté, c'est des femmes avec des cheveux lisses, des yeux clairs, bronzées, mais ce qu'il faut du bronzé, avec des nez fins, des bouches fines. Donc ça, en fait, pour moi, c'était problématique d'avoir une éducation à la sexualité qui se fait par des femmes qui représentent la beauté légitime et qui, de par ce fait, exercent une domination, en fait. Une domination raciale, une domination culturelle, une domination économique sur les femmes racisées. Donc faire ces vidéos... en incluant la question de la pudeur et en incluant, j'allais dire, les enjeux et le rapport au corps spécifique. Le corps d'une femme racisée n'est pas le même que le corps d'une femme blanche. Point, en fait. Elles ont des tétons roses, on a des tétons marrons, voire marron très foncé. La base, la taille des lèvres n'est pas la même. Je parle des lèvres d'en bas, hein, n'est pas la même. Et donc voilà, la couleur n'est pas la même. Plein de choses sont différentes. Et bien qu'on puisse le dire. Et donc du coup, ça, je voulais vraiment inclure ces questions en travaillant sur la question de la sexualité. Mais pas que, je voulais aussi inclure les questions de la religiosité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les pays européens, et pas que dans les pays européens, aussi aux États-Unis, au Canada, en Australie, il y a ce qu'on appelle la PSS, c'est la pression sociale au sexe. C'est-à-dire qu'on part du principe que pour être une femme émancipée, eh ben, il faut multiplier les partenaires, si possible en même temps, ou un jour après. C'est un peu l'ubérisation de la sexualité. Hein. C'est aliénant, en fait. C'est culpabilisant. C'est-à-dire qu'on peut avoir, dans sa communauté religieuse, juive ou musulmane ou catholique pratiquante, des injonctions à ferme très, très fort tes cuisses. Hein, de ton honneur et l'honneur de toute ta famille et toute ta communauté reposent là. Donc, c'est une énorme pression. Et puis, on a aussi une autre injonction de la société qui dit, mais enfin, tu vois bien que la seule manière de t'émanciper, de te libérer, c'est d'écarter ses jambes, qu'est-ce que tu fais ? Donc il y a des injonctions contradictoires en permanence qui font que ben, y a un certain nombre de femmes, c'est plus une expropriation de la sexualité, là c'est un shutdown, il y a un rideau de fer, on n'en parle plus, on éteint les lumières, on sort. Et donc ce travail d'introduire la pudeur dans la manière de parler de sexualité, ça ne veut pas dire du tout que je m'empêche de parler de l'anatomie, etc. C'est simplement que j'aimerais aussi qu'on puisse se départir cette pression sociale au sexe. Moi, j'aime bien utiliser la métaphore de, en fait, d'avoir du monde dans sa chambre à coucher. Lorsque vous êtes une femme racisée, dans votre chambre à coucher, il y a votre mère, il y a votre père, et souvent c'est le cas aussi pour les personnes blanches, mais pas toujours, où le rapport à la famille est quand même un peu plus distancié, mais vous avez aussi possiblement l'imam ou votre rabbin aussi dans la pièce qui va vous dire « Ah non, ça c'est mal !» Dieu qui va s'inviter aussi, qui va vous dire, qui va venir vous condamner, et vous avez aussi toute la société blanche, dominante et capitaliste qui va vous dire « Ah mais t'as de la cellulite, attention, là si tu te mets dans cette position, on va avoir un repli, attention, t'es pas bien épilée, attention, c'est pas ce qu'on a vu à la télé. » Et donc tout ça, tout ce beau monde en fait, s'invite dans la chambre à coucher d'une femme racisée, et clairement c'est impossible de partager une intimité quand vous avez autant de monde dans votre chambre. Et c'est pour ça qu'il y a ce travail aussi qui était très intéressant, mais fait d'une manière différente par Frantz Fanon. Frantz Fanon, il reprend les travaux d'Althusser et il dit, Althusser disait finalement quand on est seul, il y a toujours le regard de l'autre en fait dans la pièce. Et Fanon il dit Non. Il y a effectivement toujours le regard de l'autre, mais quand vous avez deux noirs dans une pièce, il y a toujours une troisième personne. Et cette troisième personne, c'est une personne blanche. Donc deux noirs vont se jauger, vont se juger, vont se scruter à travers le regard de la personne blanche, en disant, mais regarde-toi, ton nez, il est trop épaté. Ah non, mais regarde-toi, t'es plus foncé. Elles vont s'appeler nègre et négro entre elles. C'est exactement la même manière pour les personnes arabes. Deux personnes arabes dans une même pièce, elles vont se juger, se jauger, se scruter à travers le regard de la domination blanche. Et pour le cas des femmes racisées, c'est le nec plus ultra. Non seulement elles vont avoir le regard blanc, mais elles vont aussi avoir le regard masculin. Et il n'y a même plus besoin d'être avec une autre personne. Seule, ça suffit. Devant son miroir, quand on se scrute, et quand on se juge coupable d'avoir des cuisses trop grosses, coupable d'avoir de la cellulite, coupable d'avoir des poils, coupable d'avoir une peau trop foncée, coupable, on ne peut pas s'autoriser du coup à avoir du plaisir. On ne peut pas s'autoriser du coup à avoir un rapport à soi qui est positif. C'est ça la colonisation. La colonisation des imaginaires, la colonisation de la sexualité, c'est la première d'une très très très longue liste de colonisation des femmes racisées. Et vous ne croyez pas que ces doubles, triples injonctions, encore une fois, parfois contradictoires, elles peuvent être aussi un lieu de liberté ? Je reprends la métaphore d'avoir plusieurs personnes dans sa chambre et même dans sa tête. Est-ce que la schizophrénie apporte des parts de liberté ? Peut-être, sauf que dans la réalité des choses, ça ne se passe pas comme ça. C'est plutôt des mécanismes de culpabilisation permanente et aussi d'expropriation de son corps. Finalement, on ne sait plus trop à qui il appartient, hein. On ne sait plus s'il appartient à son père, on ne sait plus s'il appartient à Dieu, on ne sait plus s'il appartient à la télévision, on ne sait plus s'il appartient à son partenaire ou s'il nous appartient à nous. We gave you life, we gave you birth, we gave you God, we gave you earth, we filmed the future, don't make it worse, you want the world, well what's it worth? Emoticons, Decepticons, and Autobots, who twist the plot, who shot the sheriff, then fled to Paris in the darkest hour, spoke truth to power, made a bandroid out of your girlfriend. Dans ma dernière question à Fatima Khemilat, il y a beaucoup de ce que j'ai envie de croire. Dans ma vie, j'ai connu une période intense d'activités sexuelles et de rencontres en tout genre. Peut-être que j'ai été victime de cette fameuse pression sociale au sexe, mais dans ce cas, elle m'a permis de faire plein d'expériences très joyeuses. De toute façon, vu le nombre d'injonctions qui règnent sur ma sexualité, je n'ai pas d'autre choix que de trouver ma liberté dans leurs contradictions. Il ne me reste qu'à espérer qu'entre la patate de la pression sociale au sexe, celle de la pudeur et celle de la masturbation, il y a une petite intersection pour mon plaisir. En tous les cas, entre lascivité et pudibonderie, il semblerait bien que la sexualité des femmes arabes de France ne soit jamais la bonne. En tous les cas, c'est ce que le chercheur Mohamed Mack décrit dans un livre intitulé « Sexagone ». J'ai choisi le titre « Sexagone » puisque on dit souvent que la France a une forme hexagonale. Et l'un des arguments que j'avance dans le livre, c'est que la France définit ses frontières à travers la sexualité et surtout le fait d'avoir les bonnes attitudes ou des attitudes soi-disant progressistes par rapport à la sexualité. En fait, je pense que les critères de l'intégration ont changé depuis les premières vagues d'immigration venant de l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Maintenant, ce n'est plus que les critères, disons, normatifs de la langue, l'aptitude civique, etc. Maintenant, on commence à juger l'intégration des immigrés et leurs descendants à partir de leurs attitudes par rapport à la sexualité et le genre. Donc, je parle de la tolérance sexuelle, l'égalité des sexes, les expressions de genre aussi, comme le machisme ou l'effacement féminin aussi, quand on en vient au discours sur les personnes voilées, par exemple. Tout ça, pour moi, témoigne d'une sorte de changement des critères, changement des règles, en fait, parce que, dans mon analyse, les enfants d'immigrés sont déjà intégrés, mais il a fallu trouver un autre critère qui pourrait les rendre, encore une fois, non français ou différents par rapport à la norme. Pour juste expliquer les bonnes attitudes par rapport à la sexualité, c'est un mélange de gay friendliness ou de tolérance par rapport aux gays, LGBT, friendliness, LGBT, mais aussi une remise en question du machisme, aussi une remise en question des familles nombreuses. Il faut plutôt s'orienter vers les familles nucléaires. C'est toute la création du concept du réfugié sexuel domestique, c'est-à-dire c'est non seulement les homosexuels, mais c'est aussi les femmes qui, pour se distinguer ou pour monter dans l'ascenseur social, doivent quitter leur communauté d'origine, s'extraire de leur système de soutien pour chercher l'individualité et un succès individuel en centre-ville. Effectivement, de l'extérieur, on se dit que c'est plutôt des sociétés traditionnelles, donc plutôt où il y a plutôt de l'homophobie, du sexisme, comme dans plein d'autres sociétés traditionnelles. C'est quoi cette contre-réalité que vous avez pu décrire ? Je ne dis pas qu'une réalité est plus représentative que l'autre, mais je pense que c'était un peu paradoxal pour moi de voir que pendant des décennies, même des siècles, on avait représenté la culture arabe comme une culture sexuellement permissive qui donnait toutes les permissions, surtout aux hommes, mais aussi aux femmes dans certaines circonstances. De voir ça et que peut-être dans les 2-3 dernières décennies, on change de discours pour dire que les Arabes sont les premiers sexistes et les premiers homophobes du monde. Alors qu'il y a des phénomènes qui montrent le contraire, et c'est des phénomènes qui émergent de la société européenne, et je parle notamment du tourisme sexuel en Afrique du Nord, et aussi tous les phénomènes, par exemple, des récits ou des tropes de dévoilement et comment c'est érotisé, par exemple, dans les discours pornographiques, etc. Mais aussi la popularité de la beurette qui est exotifiée. Je pense qu'il y a une sorte d'ambiguïté dans la représentation des Arabes et des musulmans comme étant soit sexuellement trop, peut-être sexuellement hédoniste ou sexuellement permissif, et d'un autre côté, sexuellement répressif. Et je pense aussi que chaque fois qu'on parle de sexualité et de culture arabe, c'est toujours une sorte de schéma un peu paternaliste, un peu condescendant, où on pense que, puisqu'on est en Occident, on a le droit d'enseigner des leçons, d'enseigner la tolérance sexuelle ou la liberté sexuelle à des peuples qui seraient bloqués à une phase de développement primitif, quoi. Alors, Sexagone, c'est un livre en anglais ? Oui. Pourquoi ? Mais je dirais en termes d'importance culturelle. Je pense qu'en France, il y a beaucoup plus de bagages historiques, c'est-à-dire, en anglais on dit emotional baggage, mais c'est-à-dire la cohabitation ou l'exposition mutuelle l'un à l'autre entre les Africains du Nord et les Français a duré beaucoup plus longtemps, alors que l'implantation des États-Unis dans le Moyen-Orient est quelque chose de plus récent et aussi de moins intime. Et je pense que c'était important pour moi d'étudier toutes les angoisses, tous les fantasmes, toutes les peurs qui existent en France entre les Arabes et les personnes non arabes. Parce que en Amérique, surtout après le 11 septembre, c'est comme si c'était une première découverte. Il n'y a pas d'outil conceptuel ou analytique pour étudier l'imbrication mutuelle de l'Amérique et du monde arabe, alors que nos destins sont liés maintenant. Je pense que l'Amérique peut apprendre beaucoup de leçons de cet exemple français, apprendre des choses, mais ne pas commettre les mêmes erreurs aussi. Moi, je vois ça comme une sorte d'autre front dans le combat des idées et dans cette guerre de civilisation. Ce que je retiens de ce que dit Mehamed Mak, c'est que les femmes arabes de France jouent à un jeu auquel elles sont sûres de perdre, puisque les règles changent au fur et à mesure qu'elles s'y adaptent. Alors, je suis allée poser des questions à des femmes qui ont transgressé toutes les règles à la fois, celles de leur groupe et celles de la société. Amina fait partie des Taupines de Paris, un groupe de parole qui réunit des femmes lesbiennes de culture musulmane. Vous avez quel âge ? J'ai 32 ans. Vous vous dites lesbienne ? C'est un mot que j'utilise aujourd'hui, je n'ai pas toujours utilisé. C'est pas un mot facile en fait. C'est pour moi au début, le mot lesbienne, je n'utilisais pas. Je disais bisexuel, ça passe mieux, puis même, c'est difficile. Déjà de s'accepter, c'est très très dur. Et du coup, voilà, le mot bisexuel, ça passe un petit peu mieux. On se dit qu'il y a une chance encore d'être normal. Donc des questions, je m'en pose depuis très très jeune et de ne pas correspondre à ce qu'on attend de moi, ça fait depuis très longtemps en fait. Et la sexualité, c'est venu quand même bien plus tard. Parce que aussi, je cherchais aussi à correspondre à ces normes sociales. Et pour moi, l'homosexualité n'existait pas vraiment. Et c'est plus tard, en terminale, que j'avais une amie de classe qui se disait ouvertement lesbienne. Et je trouvais ça très choquant. Ouais, comme quoi. Et puis c'est devenu une amie très très proche. Et en fait, juste cette possibilité, elle est devenue possible. C'était possible d'aimer autre chose que des hommes. Qu'est-ce qui vous choquait au début quand vous la connaissiez pas ? Vous vous souvenez ? ce qui me choquait, c'est que d'être ici dans un milieu, on va dire, de culture musulmane à la maison, enfin, au niveau familial, et à cette époque-là, j'étais dans un collège privé catholique. Et comment ça se fait que vous étiez dans un établissement catholique privé ? C'est par volonté de mon père, de feu mon père, qui voulait que j'aie une meilleure chance de réussite. Depuis toute petite aussi, mes parents m'ont mis une pression pour réussir en tant qu'arabe. Donc on m'a toujours inculqué d'être pas parfaite, mais le terme qu'ils utilisaient, c'est d'être mieux que les Français. En fait, j'avais un sentiment enfant d'injustice. D'injustice parce que je veux faire plus pour le même résultat. Par contre, j'avais un désir, quand j'étais petite, c'est bizarre, j'avais un désir de devenir française. Et qu'on me considère comme une française. Voilà. C'était quoi les efforts que vous faisiez petite pour ressembler à une française ? Non, mais les efforts d'être bonne à l'école, de ne pas correspondre à des clichés qu'on pouvait avoir et de se lisser les cheveux. Mmh. C'est un détail très très bête. Mais détester ses cheveux bouclés et devoir avoir absolument les cheveux lisses. C'est clairement pour ressembler. Enfin, c'est des choses que j'ai intégrées un peu plus tard, mais j'ai... Mais vous avez les cheveux bouclés, en fait ? Parce que là, je vois que vous avez des cheveux tout lisses. Ouais, je sais. Non, j'ai les cheveux bouclés. J'ai les cheveux bouclés, oui, oui. Et je continue de me les lisser. Hein. Parce que j'ai toujours intégré cette... Mais c'est hyper bien fait, vous faites comment ? Bah, il y a le lissage brésilien, il y a plein de techniques, un brushing tous les matins. Enfin, en fait, c'est du temps, c'est chronophage, c'est une charge que de vouloir ressembler à une Française. Donc, il y a la rencontre avec cette amie en terminale où vous réalisez que, ben, lesbienne, on peut en être fière et ça peut être un choix de vie. Mmh. Et ensuite, comment ça chemine la réflexion autour de vos propres désirs? J'étais impressionnée, choquée, impressionnée, mais c'était pas pour moi. Pourquoi c'était pas pour vous? Parce que c'était pas bien. C'est pas bien. Je pensais sincèrement que. Que c'était pas. Le fameux mot qu'on dit, c'était pas normal. Donc ça dérange. Comme il faut. Et du coup. Oui, ça arrivait à ce moment-là où j'ai. Où j'ai découvert clairement que j'avais une attirance, mais que je l'assumais pas du tout, du tout. Voilà. Et c'était pour elle, du coup? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était pour une autre amie de classe. J'ai eu une histoire avec cette fille-là. Mais ce qui est rigolo, c'est que ni l'une ni l'autre ne l'assumait, en fait. Pour toutes les deux, on était une phase, et pour toutes les deux, on était une exception qui confirmait la règle. On était juste une exception, quoi. On parlait et on disait, on verbalisait le fait que. Que c'était une attirance, qu'on était en fait des hétérosexuels qui s'étaient trouvés un peu sans chemin et qui tentaient quelque chose, mais qu'au fond on était hétérosexuels et qu'il fallait bien une exception qui confirme la règle, et elle c'était l'exception, et moi aussi j'étais son exception, et puis, mais on était hétérosexuels. Puis elle, catholique, moi musulmane, enfin. Il n'y avait rien qui allait là-dedans, enfin, dans ce schéma-là, enfin, c'était. C'est. Enfin. Mais ouais, il y avait des moments de compliqués. En fait, je pense que c'est compliqué quand on n'assume pas, quand on n'est pas serein avec sa. Dans sa relation avec l'autre, dans sa sexualité, tout ça, forcément, ça crée des tensions, en fait. Et du coup, c'était pas 5 ans paisibles, en fait. Hein. C'était 5 ans entrecoupés de plein de moments difficiles. Moi, j'avais une peur mais monumentale que ma famille découvre. Mais le fait d'imaginer potentiellement ma famille au courant, ça me... Ah, j'en ai des frissons, là. Ça me rendait malade, en fait. Je pouvais en avoir la nausée et en vomir, quoi. On peut pas aimer l'autre en se détestant soi-même. Enfin, c'est chacun se déteste. Non, mais c'est. Vous aviez le sentiment de vous détester vous-même? Pas qu'un peu, ouais. Ouais. Ah ouais, énormément. Non, parce que c'est un mot très fort. Ah bah ouais, mais je le pèse dans toute ça. Ouais. Si, évidemment. Et au bout d'un moment, un peu avant 5 ans, je crois, au bout de 3-4 ans, un truc comme ça. En fait, ma mère a découvert. Et c'était une période très difficile. Il suffit que un soir j'aille travailler, j'avais un job en parallèle de mes études, et puis j'ai laissé mon téléphone à la maison le soir. Je suis allée travailler, je suis rentrée, et c'était le drame. C'était le gros drame parce que voilà, elle avait fouillé dans le téléphone, elle avait lu tous les textos. C'était très violent. Et c'était, au final, pour résumer, c'était soit tu la quittes et tu rentres dans le droit chemin, donc c'est le fameux droit chemin dont j'ai parlé tout à l'heure, soit je te renie. Et c'était voilà. Puis j'ai perdu mon père à 15 ans, ce qui fait que je pouvais pas perdre ma mère à 20. Enfin, voilà, c'était donc le d'être renié, c'était pas une option en fait pour moi. Et ça qui est rigolo, c'est. Enfin, qui est rigolo. L'humour. C'est aussi l'incompréhension d'amis qui, justement, pas de culture maghrébine ou arabe, qui ont forcément, comme j'ai eu beaucoup de discours d'amis qui disent « Non, mais de toute façon, si ta famille t'accepte pas, tu t'en fous, tu te casses, c'est à eux de t'accepter. Enfin, il n'y a pas le même rapport à la famille. Chez nous, la famille, c'est important. Il n'y a pas du tout le même rapport, et donc il y a vraiment cette incompréhension. Là, c'est pour cette situation-là, mais dans plein d'autres situations, j'avais des commentaires de mes amis sur leur rapport à la famille. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas, et c'est là-dessus encore plus. Et moi, je voulais leur dire, mais non, je peux pas. Absolument, oui, j'aurais aimé qu'elle m'accepte comme je suis, mais je vais pas perdre ma mère. C'est ma mère. Et ce qui est très compliqué et ce qui est très dur, c'est que tu te sens chez toi nulle part. J'aime beaucoup mes amis, hein. J'adore mes amis, mais c'est vrai que ils sont une grande majorité personnes blanches, enfin en tout cas français blanc, enfin hétérosexuel en plus. Et tu dis, il y a des choses qu'ils comprennent pas liées à ton origine, ta spiritualité, ta sexualité, tout ça, enfin voilà, qu'ils vont pas capter. Et tu vas après, tu vas aussi avoir peur d'aller vers des gens qui sont, on va dire, croyants, et de peur d'avoir le rejet de l'homosexualité. Après, tu vas avoir peur d'aller aussi vers des communautés homosexuelles qui vont aussi ne pas comprendre une spiritualité qui peut, ou une culture. Parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'islamophobie chez les homosexuels. Il peut y avoir beaucoup d'homophobie chez les personnes croyantes ou athées. Enfin, ça, clairement. En fait, tu cherches ta place et tu l'as un peu nulle part, en fait. Et t'es jamais représentée. Et c'est la notion plus tard que j'ai compris d'être d'intersectionnalité, que j'ai compris que plus tard, mais avant, j'étais juste perdue, en fait. Hein. On a une amie dans les topines qui est juste géniale et que j'aime beaucoup. Et qui dit l'intersectionnalité, c'est l'accumulation des merdes. C'est pas très sociologique comme définition, mais c'est vrai en fait. C'est quoi votre rapport à la religion musulmane à ce moment-là? C'est très schizophrénique et c'est très compliqué. Il y a des moments où je me sens, on va dire, j'ai envie d'avoir une certaine spiritualité, mais je me dis. Que je suis étant, enfin, c'est ce qu'on répète, hein, c'est que tu peux pas être homosexuel et musulmane, c'est juste pas compatible. Du coup, tu le crois forcément, hein, t'es persuadé que c'est pas compatible. Alors que la sexualité appartient à chacun, enfin c'est quelque chose de très personnel. Mais c'était très difficile d'avoir une spiritualité. Et alors dans mon cas, c'était plutôt un côté remise en question de ma spiritualité, remise en question de la religion, remise en question de tout ce qui m'avait été, on va dire, transmis d'un point de vue religieux, spirituel et culturel. Il y avait une sorte, littéralement, je pense, enfin, si je suis honnête vraiment avec moi-même, je pense être dur à dire, de racisme et d'islamophobie intégrée en moi, en fait. C'est pas facile à dire, mais c'est vrai, en fait. Hein. Et jamais très, alors, j'allais dire jamais très pratiquante, mais en fait, c'est horrible, parce que je me rends compte, là, en parlant, que j'ai peur de dire le mot pratiquant, parce que j'ai peur de l'amalgame pratiquant, voilà, et d'être quelqu'un d'extrémiste, en fait. C'est horrible, parce que je me rends compte dans le discours que j'ai depuis le début de faire très attention dès que je parle d'islam. C'est horrible de devoir se justifier, de dire mais non, mais je suis quelqu'un, je suis pas attention, très croyante, qu'est-ce que ça veut dire? Non, pas très croyante, enfin, c'est de modérer ses propos pour pas passer pour un extrémiste, c'est dingue, enfin, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous diriez alors, sans modération? Que aujourd'hui, je me considère comme croyante, que je suis en effet aujourd'hui pas pratiquante, mais que j'essaye justement de. Je suis aujourd'hui dans une démarche de renouer avec ma spiritualité, malgré l'image très très négative qu'on a aujourd'hui de l'islam. Et c'est un tabou aujourd'hui avec mes amis, mes collègues au travail, etc. Enfin, j'ai vraiment le sentiment que parler de religion, je serais bien plus mal vue que si je parlais de ma sexualité. Le plus dur, c'est de s'accepter. De commencer à dire, ok, j'aime les femmes, je suis lesbienne, et je suis quelqu'un de bien. C'est même quelque chose que j'ai dit à ma famille, de dire, mais je suis quelqu'un de bien. Maman, je suis quelqu'un de bien, je suis pas mauvaise. Je reste la même. Justement, votre famille ou votre mère, quand vous lui avez dit, seul Dieu me juge, en gros, son cheminement à elle, ça a été quoi? Je sais pas c'était quoi son cheminement, mais il était très beau, parce qu'il est parti il y a, alors attends, 10 ans. Ah, je te renie complètement. Un discours d'aujourd'hui, je cautionne pas, mais t'es ma fille et je t'aime. Ah, c'est déjà énorme. Hein, c'est... Et puis voilà, c'est vrai que très récemment, ça s'arrange en fait au fur et à mesure, ça évolue. Et ça se passe très très bien avec ma compagne actuelle. Elle s'entend très très bien, elle s'aime beaucoup, et du coup c'était quelque chose qui était inespéré. Et du coup, de se dire, à un bout d'un moment, quand on croit en Dieu, de se dire, Dieu, s'il existe, est-ce qu'il peut vraiment haïr des gens qui s'aiment? C'est difficile à concevoir, et de se dire d'être quelqu'un de mauvais juste parce qu'on aime quelqu'un. Enfin, c'est quand ça reste dans le sentiment de l'amour, je fais de mal à personne. Et voilà, du coup, voilà, je sors avec l'Utopie, on fait plein de sorties, on échange de manière aussi informelle, etc. Sur la vie de tous les jours, mais donc aussi sur la spiritualité. Et puis il y a des topines aussi qui sont complètement athées. Moi, je me demande si du coup je cherchais pas à être athée, par souci non seulement voilà, d'intégration et de se dire jusqu'où je vais aller dans l'intégration. Jusqu'où je suis prête à m'effacer, à effacer mes origines pour m'intégrer. Qu'est-ce que je suis prête à perdre ? Je suis prête à perdre toutes mes origines, vraiment. Et c'est là où je me dis, c'est fort, j'ai perdu mon père, et mon père qui a cherché à conserver ses origines, et moi j'efface tout, là. C'est, je pense d'avoir une biculturalité, c'est pas pour rien, c'est pas pour qu'une prenne le dessus sur l'autre et efface l'autre. Pour moi non plus, le bilan n'est pas brillant. Depuis que j'ai entamé ce travail d'auto-décolonisation, j'ai été obligée de constater que j'étais colonisée dans mon histoire, ma langue, ma pensée politique, mon travail et même ma sexualité. Mais maintenant que je sais que je ne serai jamais au cœur de l'Empire, je sais aussi que de là où je suis, je peux voir des choses qu'on ne voit jamais du centre. C'est ma force et ma liberté. Je crois qu'il est possible d'être un lion heureux au pays des chasseurs. C'était Heureuse comme une arabe en France, les inventeuses, avec Adila Benedjaïdou et Anne Franchinelli, avec Lisa Boutelja, Fatima Remilat, Lisa et Leila de Ntarajel, Mehamed Mack, Amina des Topines de Paris. Prise de son, Valérie Lavalard, mixage, Claude Niort. Documentation, Anne Delaveau et Antoine Villoz. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Kervran. Merci à la brasserie La Strasbourgeoise et à Valentin Chémery. Provoquer la pire catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité, la peste. L'exemple même d'une maladie qui est liée au développement humain et à la manière dont l'humanité s'est développée à une certaine époque. Comme il l'a fait pour le choléra, le Covid, la variole ou le sida, le médecin Renaud Piarou, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, va mener l'enquête pour vous. Mécanique des épidémies, 7e saison La Peste, un podcast de Renaud Piarou et Anne de Pelchin sur franceculture.fr et l'appli Radio France.